De ce jour où c'était chaud comme la presse, que la mort pouvait t'arrêter tout d'un coup. Le temps passe, hélas, les cicatrices s'effacent. Pas maintenant, c'est ton visage qui manque tout d'un coup. Coude à coude avec la faucheuse qui se coule. Dans certains cœurs, y'a plus trop de mal à se faire du mal avec du cœur. On te casse qui sursique toi et ton tout plein. Sur ton hommage, Ray, sur ce couplet. En désaccord avec le monde entier. Le jour de ta mort, même Tyson en face de toi pouvait perdre ton dentier. Des larmes, on en a tous versé. Grand petit, noir, blanc, chauve, même au sens inversé. J'confirme, c'est vrai, c'est les bons qui partent les premiers. Mais j'oublie pas qu'on pensera tous au jugement dernier. Tu voulais tout faire, vol, braquage, lynchage. Pas de limite, fallait montrer au grand que t'es un brave. À force de bravoure et d'obstacle, la rue te traque. Que la vie tu coûteras, que son entraque. Ton grain est entraîné tard la nuit. La routine, c'est les ennuis que la mort pouvait te nuire. Sur Paris, comportement de boss, escorte, propagande, fallait pas chercher des crosses. Le mic t'aimait bien le froisser. On se rappelle tous du jour au camp, tu rendais hommage à QRTRV. Les circonstances, ta mort me laisse un goût amer. Évidemment, les keufs sont de tous les coups à merde. T'étais pas un as des caisses, péta. Mais je me rappelle, plus facile à l'époque, c'était les Ford Fiesta. Je me vois encore te dire, vas-y, négro, reviens. Et crois-moi, je me mords les couilles quand ça me revient. Mon pote s'appelait Pause, c'était mon négro, tu vois. Alors normal que je fasse passer l'émotion dans ma voix. Maintenant que je vois ton petit frère, c'est toi que je vois. Et je vois que de toi, il a pris ton visage, mais pas ta voix. Je vois ton grand frère Zola, je dis machallah. À fond dans la salade, et ça, depuis que t'es plus là. Et bon moment dans ma mémoire. Tous des hommes, on pleure tous pour nos amis morts. Animosité, vécue d'animal. La mort t'attrape au vol, c'est la vie d'une âme animale. J'ai pas la foi d'animal, la vie qu'on mène nous dîna. Limite maître, le jugement n'est pas au tribunal. On sait où on est, on sait pas où on atterrit. A des risques de péril, la route tourne comme le périph. Plein phare, la mort se cache comme les radars. Pour certains, la vie est un film de bâtard. Je laisse parler les mots du sang et du cœur sur les mains. Je suis sûr de moi, mais je sais qu'on n'est pas des surhumains. Alors je rumine, mon inspire mauvaise mine. J'avance avec un stylo sans encre et sans mine. Chaque génération pleure ses morts et forcément, à force de vivre, frère, on tient la vie fortement. Pour la violence gratuite, optimiste, mais pessimiste. Parce qu'il faut du temps pour que la pessimiste. Dans nos vies, on mise sur la réussite. Et on se méfie quand trop souvent on nous félicite. Y'a pas que des filles ici, même si les décès défilent. De fil en aiguille, le système qu'on vit nous cuit. Autant cuit que cul qui le crut. On évacue un passé cru qui souvent nous persécute. J'en perds mes mots, d'autres on perd des membres. On perd des proches pour que dalle ou pour une paire de jambes. M'aura plus une pierre de coups entre drame et réussite. Hypocrite, je me méfie quand tu me félicites. C'est mon cœur qui sait. Une larme coule sur nos joues. C'est comme un fleuve qui suit son cours. On s'enflamme tous de peine. C'est mon cœur qui sait. Une larme coule sur nos joues. C'est comme un fleuve qui suit son cours. On s'enflamme. Yeah. suis son cou, son souffle un peu tôt.